La mâchée, chapin, jambé, le tourail. Tribob, baba, pastep, une cuisse, montée. Sous récit. Habitude, fougon et femme. Tokaili, pas jambé, raciné. La veli. Les protestants barrés, qu'un bébé une cuisse a souhait grimper mon Sinaï. Oh, les fiels pétés, cabane en fallait. Maman poule, grasera, mon cher tralé. Cette voltige. Rescata pincri s'appuyer sous yon poteau. L'entouraille. Bip, on comme zombie. Si on est plaqué, la fin de jambe. Puis pourri, nouvelle gaillée. En pile fanatique, l'évangile pour les bibles. Oh, temps fermé, tonnel creusé. Oh, battement dessoufflé, suspend tout crocodile, la cibale, la cibale.